Unité 44. Conversation. Écoutez. 1. Vous n'avez pas encore terminé la réparation? 2. Non, j'ai cherché longtemps la panne. 3. Tu as prévenu, monsieur Bonnet? 4. Non, mais je vais le faire de peur qu'il ne vienne ce matin. 5. Allô? Est-ce que je peux parler à monsieur Bonnet? C'est de la part du garagiste. 6. Oui, je l'appelle. Attendez un instant. 7. Allô? Que se passe-t-il? 8. Nous avons fait tout notre possible pour terminer votre voiture, mais nous n'avons pas pu. 9. Qu'avait-elle? 10. Il a fallu vérifier tout le circuit de refroidissement de peur que vous n'ayez de nouveaux ennuis. 11. J'en ai besoin demain sans faute. Elle sera prête dans la matinée? 12. Très certainement. Vous pouvez passer la prendre vers 10 heures. Répondez. Répétez. 13. Vous n'avez pas encore terminé la réparation? 14. Non, j'ai cherché longtemps la panne. 15. Tu as prévenu, monsieur Bonnet? 16. Non, mais je vais le faire de peur qu'il ne vienne ce matin. 17. Allô? Est-ce que je peux parler à monsieur Bonnet? C'est de la part du garagiste. 18. Oui, je l'appelle. Attendez un instant. 19. Allô? Que se passe-t-il? 20. Nous avons fait tout notre possible pour terminer votre voiture, mais nous n'avons pas pu. 21. Qu'avait-elle? 22. Il a fallu vérifier tout le circuit de refroidissement de peur que vous n'ayez de nouveaux ennuis. 23. J'en ai besoin demain sans faute. Elle sera prête dans la matinée? 24. Très certainement, vous pouvez passer la prendre vers 10 heures. Écoutez. Pourquoi es-tu si pressé? Dépêchons-nous que nous arrivions avant la fermeture des bureaux des contributions. Que veux-tu savoir? Je veux demander des renseignements avant d'envoyer notre déclaration. Pourquoi? De peur d'avoir une amende si ma déclaration est mal faite. Répétez. 25. Pourquoi es-tu si pressé? 26. Dépêchons-nous que nous arrivions avant la fermeture des bureaux des contributions. 27. Que veux-tu savoir? 28. Je veux demander des renseignements avant d'envoyer notre déclaration. 29. Pourquoi? 30. De peur d'avoir une amende si ma déclaration est mal faite. écoutez. Madame, puis-je déduire de mes revenus le montant de mon assurance vie? Oui, mais pour permettre le calcul de cette déduction dont vous pouvez bénéficier, joignez vos quittances. Quelles quittances? Excusez-moi, je n'ai pas compris. Vos quittances prouvant le montant des primes versées en 1980. Une photocopie suffit? Oui, mais il nous faut ces attestations afin que vous puissiez avoir cette réduction. Répétez. 31. Madame, puis-je déduire de mes revenus le montant de mon assurance vie? 32. Oui, mais pour permettre le calcul de cette déduction dont vous pouvez bénéficier, joignez vos quittances. 33. Quelle quittance? Excusez-moi, je n'ai pas compris. 34. Vos quittances prouvant le montant des primes versées en 1980. 35. Une photocopie suffit? 36. Oui, mais il nous faut ces attestations afin que vous puissiez avoir cette réduction. Répondez, répétez. 37. Pourquoi es-tu si pressé? 38. Dépêchons-nous que nous arrivions avant la fermeture des bureaux des contributions. 39. Que veux-tu savoir? 40. Je veux demander des renseignements avant d'envoyer notre déclaration. 41. Pourquoi? 42. De peur d'avoir une amende si ma déclaration est mal faite. 43. Madame, puis-je déduire de mes revenus le montant de mon assurance vie? 44. Oui, mais pour permettre le calcul de cette déduction dont vous pouvez bénéficier, joignez vos quittances. 45. Quelle quittance? Excusez-moi, je n'ai pas compris. 46. Vos quittances prouvant le montant des primes versées en 1980. 47. Une photocopie suffit? 48. Oui, mais il nous faut ces attestations afin que vous puissiez avoir cette réduction. 45. Écoutez. Mets ta serviette, que ta robe soit encore propre cet après-midi. Courons vite que nous arrivions avant l'averse. Applique-toi. Que tu n'aies pas encore une mauvaise note. Écoute bien que tu ne te perdes pas en route. Pensez bien à joindre ces attestations pour que vous puissiez bénéficier de cette déduction. Dépêchez-vous, de peur que vous n'arriviez pas à la maison avant l'averse. Appliquez-vous afin que cette fois vous n'ayez pas de mauvaise note. Soyez très attentif de crainte que vous ne vous trompiez de route. Répétez. 49. Mets ta serviette, que ta robe soit encore propre cet après-midi. 50. Courons vite que nous arrivions avant l'averse. 51. Applique-toi un peu, que tu n'aies pas encore une mauvaise note. 52. Écoute bien que tu ne te perdes pas en route. 53. Pensez bien à joindre ces attestations pour que vous puissiez bénéficier de cette déduction. 54. Dépêchez-vous, de peur que vous n'arriviez pas à la maison avant l'averse. 55. Appliquez-vous afin que cette fois, vous n'ayez pas de mauvaise note. 56. Soyez très attentif de crainte que vous ne vous trompiez de route. Répondez, répétez. 57. Que dit la mère à sa fille? 58. Mets ta serviette, que ta robe soit encore propre cet après-midi. 59. Que dit Paul à son ami? 60. Courons vite que nous arrivions avant l'averse. 61. Que dit le père à son fils? 62. Applique-toi un peu, que tu n'aies pas encore une mauvaise note. 63. Que dit le mari à sa femme? 64. Écoute bien que tu ne te perdes pas en route. 65. Que dit l'employé des contributions à M. Bonnet? 66. Pensez bien à joindre ces attestations pour que vous puissiez bénéficier de cette déduction. 67. Que dit la grand-mère à ses petits-enfants? 68. Dépêchez-vous, de peur que vous n'arriviez pas à la maison avant l'averse. 69. Que dit le professeur à ses élèves? 70. Appliquez-vous afin que cette fois, vous n'ayez pas de mauvaise note. 71. Que dit l'agent de police au touriste? 72. Soyez très attentif de crainte que vous ne vous trompiez de route. Écoutez. Le ministre du budget s'est adressé aux Français avant qu'ils ne fassent leur déclaration d'impôt. Il a dit que par nos impôts, nous participons à l'effort de tous pour soutenir l'activité économique. Il a précisé que les impôts servent à défendre l'emploi et aussi à améliorer le sort des moins favorisés. Il a demandé de rédiger avec exactitude nos déclarations pour qu'il y ait plus de justice fiscale. Répétez. 73. Le ministre du budget s'est adressé aux Français avant qu'ils ne fassent leur déclaration d'impôt. Il a dit que par nos impôts, nous participons à l'effort de tous pour soutenir l'activité économique. Il a précisé que les impôts servent à défendre l'emploi. 76. Et aussi à améliorer le sort des moins favorisés. 77. Il a demandé de rédiger avec exactitude nos déclarations pour qu'il y ait plus de justice fiscale. 'Le ministre du budget s'est adressé aux Français avant qu'ils ne fassent leur déclaration d'impôt. Répondez, répétez. 78. Qu'a-t-il dit? 79. Il a dit que par nos impôts, nous participons à l'effort de tous pour soutenir l'activité économique. 80. Qu'a-t-il précisé? 81. Il a précisé que les impôts servent à défendre l'emploi. 82. À quoi servent aussi les impôts? 83. À améliorer le sort des moins favorisés. 84. Qu'a-t-il demandé pour terminer? 85. Il a demandé de rédiger avec exactitude nos déclarations pour qu'il y ait plus de justice fiscale.